pensant qu'après tout, l'on ne risquait rien, Charles se promit de faire la demande quand l'occasion s'en offrirait. Mais, chaque fois qu'elle souffrit, la peur de ne point trouver les mots convenables lui collait les lèvres. Le père Rouault n'eût pas été fâché qu'on le débarrassât de sa fille, qui ne lui servait guère dans sa maison. Il excusait intérieurement, trouvant qu'elle avait trop d'esprit pour l'agriculture, métier maudit du ciel, puisqu'on n'y voyait jamais de millionnaire. Lorsqu'il s'aperçut donc que Charles avait des pommettes rouges près de sa fille, ce qui signifiait qu'un de ces jours, on la lui demanderait en mariage, il rumina d'avant toute l'affaire. Il le trouvait un peu gringalé, et ce n'était pas là un gendre comme il l'eût souhaité. Mais on le disait de bonne conduite, économe, fort instruit, et sans doute qu'il ne chicanerait pas trop sur la dot. Or, comme le père Rouault allait être forcé de vendre 22 acres de son bien, qu'il devait beaucoup aux maçons, beaucoup aux bourreliers, que l'arbre du pressoir était à remettre, « S'il me la demande, se dit-il, je la lui donne. » À l'époque de la Saint-Michel, Charles était venu passer 3 jours au Berthaud. La dernière journée s'était écoulée comme les précédentes, à reculer de quart d'heure en quart d'heure. Le père Rouault lui fit la conduite. Il marchait dans un chemin creux. Il s'allait quitter. C'était le moment. Charles se donna jusqu'au coin de la haie, et enfin, quand on l'eut dépassé. « Maître Rouault, murmura-t-il, je voudrais bien vous dire quelque chose. » Ils s'arrêtèrent. Charles se taisait. « Mais contez-moi votre histoire. Est-ce que je ne sais pas tout ?» dit le père Rouault, en riant doucement. « Père Rouault, balbutia Charles. « Moi, je ne demande pas mieux, » continua le fermier. « Quoique sans doute la petite soit de mon idée, il faut pourtant lui demander son avis. Allez-vous-en donc. Je m'en vais retourner chez nous. Si c'est oui, entendez-moi bien. Vous n'aurez pas besoin de revenir, à cause du monde. Et d'ailleurs, cela saisirait trop. Mais pour que vous ne mangez pas le sang, je pousserai tout grand l'auvent de la fenêtre contre le mur. Vous pourrez le voir par derrière, en vous penchant sur la haie. » Et il s'éloigna. Charles attacha son cheval à un arbre. Il courut se mettre dans le sentier. Il attendit. Une demi-heure se passa. Puis il compta 19 minutes à sa montre. Tout à coup, un bruit se fit contre le mur. L'auvent s'était rabattu. La cliquette tremblait encore. Le lendemain, dès 9 heures, il était à la ferme. Emma rougit quand il entra, tout en s'efforçant de rire un peu, par contenance. Le père Rouault embrassa son futur gendre. On remit à causer des arrangements d'intérêt. On avait d'ailleurs du temps devant soi, puisque le mariage ne pouvait décemment avoir lieu avant la fin du deuil de Charles, c'est-à-dire vers le printemps de l'année prochaine. L'hiver se passa dans cette attente. Mademoiselle Rouault s'occupa de son trousseau. Une partie en fut commandée à Rouen, et elle se confectionna des chemises et des bonnets de nuit, d'après les dessins de mode qu'elle emprunta. Dans les visites que Charles faisait à la ferme, on causait des préparatifs de la noce, on se demandait dans quel appartement se donnerait le dîner. On rêvait à la quantité de plats qu'il faudrait et quelles seraient les entrées. Emma eut, au contraire, désiré se marier à minuit, au flambeau, mais le père Rouault ne comprit rien à cette idée. Il y eut donc une noce ouverte 43 personnes, où l'on resta 16 heures à table, qui recommença le lendemain et quelque peu les jours suivants.